Je suis en thèse depuis 3 ans au sein du laboratoire Cresson, donc sous la direction de Jean-Paul Thibault. Et je vais revenir sur. Je suis en co-direction avec Stéphane Manzani au laboratoire Gerfaut de Paris, qui est philosophie de l'urbain, pour contextualiser un peu plus. Et donc, effectivement, actuellement, l'intitulé de ma thèse est Atlas en site de la petite ceinture de Paris. Et en fait, ça part d'une réflexion sur comment l'ambiance peut participer au processus de transformation d'un territoire. Et dès le début de ma thèse, en fait, pour répondre à ce questionnement, j'ai émis l'hypothèse de pouvoir élaborer ce que j'appelle un atlas sensible de la petite ceinture. C'est-à-dire, en fait, c'est un atlas qui serait capable de rendre compte des formes sensibles d'urbanité en situation, et si je le dis plus simplement, en fait, ce serait d'étudier les pratiques habitantes en lien avec les ambiances et les temporalités du territoire qui permettent de finalement révéler des potentiels de transformation. Donc cette proposition, en fait, elle a émergé après tout un travail d'analyse d'atlas récents qui sont constitués à la fois par, qui sont constitués par ce que j'appelle des collectifs pluridisciplinaires. Où il y a donc à la fois des professionnels de l'aménagement et à la fois des universitaires, tels que par exemple, je dirais les plus connus, c'est le collectif Multiplicity, qui a été fondé par l'architecte Stefano Boeri, ou encore le studio Ville Sensuelle, fondé par l'architecte Jacques Ferrier. Et donc en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que ils se placent dans une espèce de remise en cause des méthodes et des outils pour en gros décrire les territoires, mais aussi les projeter. Et cette remise en cause, elle vient du fait que pour eux, en fait, les méthodes et outils qu'on a actuellement sont incapables de rendre compte du local, des réalités quotidiennes et du mouvement perpétuel de nos territoires, avec le fait que nos sociétés sont de plus en plus mouvantes, en fait. Et donc ces atlas, ils les qualifient à la fois d'expérimentaux et d'écliptiques, dans le sens que en fait, ils sont assez multiples à la fois dans les observations, les descriptions et les représentations, et que c'est une recherche permanente, c'est pas des choses complètement abouties. Et c'est dans ce sens que la philosophe Christianès et que l'architecte Stefano Boeri préconisent ce qu'ils appellent une captation du déjà-là, en fait, des forces internes et invisibles d'un territoire pour permettre des métamorphoses régénératrices. Et en gros, ma thèse, elle s'inscrit un peu dans ce cadre-là. Donc je vais essayer de détailler un peu plus à travers plusieurs axes. Donc le premier axe, ça va être de voir un peu le contexte de ma recherche et donc particulièrement un portrait historique et actuel de la petite ceinture. Puis je me focaliserai sur le choix de mes lieux d'enquête précis sur la petite ceinture et ma méthodologie, ainsi que les données qui en découlent. Et je finirai par un questionnement que j'ai actuellement sur la formalisation de cet atlas. Donc là, vous avez juste une photo de la petite ceinture dans le 12e arrondissement pour que vous puissiez voir, qui est donc une ancienne friche ferroviaire. Donc la petite ceinture de Paris, elle appartient à SNCF Réseau et elle fut construite au cours du milieu du 19e siècle, le long de fortifications des Thiers, pour des raisons à la fois militaires et commerciales, permettant de desservir toutes les grandes cars parisiennes, les usines d'armement et les abattoirs de l'époque. Et dès 1862, elle devient un transport de voyageurs, qui fait que dans les années 1900, on peut faire le tour de Paris assez facilement en 1h20 via la petite ceinture. Mais dès les années 1941 et puis après en 1985, son réseau commence globalement à décliner et elle devient presque quasiment silencieuse. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a l'apparition du métro et il y a une grande croissance aussi du service routier. Et donc ce qu'on constate, c'est que du coup, la petite ceinture, c'est à la fois un patrimoine ferroviaire fort aujourd'hui et qui a encore actuellement 15 gares, même si elles sont plus ou moins en ruine. Et c'est aussi un patrimoine végétal important à cause de son état de friche, qui fait qu'elle fait partie du plan biodiversité voté par la mairie de Paris en 2011. Donc aujourd'hui, on constate que le paysage de la petite ceinture, il est assez ambigu parce qu'il est à la fois, on pourrait dire, unité et diversité. Donc il est unité par le fait que c'est en fait une ligne linéaire de 32 km en continu qui traverse 9 arrondissements de Paris, et dont 23 km sont actuellement sans activité ferroviaire. Et elle est aussi, on pourrait dire, diversité par les différentes configurations, surtout topographiques. Donc on peut voir qu'elle est, en fait, dans son linéaire, elle a 60% à l'air libre. Et dans cet air libre, on a différentes configurations. Donc on a ce qu'on appelle les tranchées ouvertes. Donc elle est à 10 mètres en dessous du sol urbain, souvent avec des murs de soutènement. Et sinon, elle peut être aussi à niveau des rues parisiennes ou en remblai, donc à des talus assez hauts de 1 mètre à 10 mètres de hauteur, ou ce qu'on appelle en fait en ouvrage aérien, donc c'est-à-dire qu'elle a des ponts métalliques qui traversent des grandes avenues parisiennes. Et son linéaire, il est aussi à 40% en souterrain, donc avec des tunnels d'origine, et ce qu'on appelle des tranchées couvertes, donc c'était des tranchées ouvertes qui ont été recouvertes pour accueillir des nouveaux usages en sa surface. Donc en fait, la petite ceinture, depuis les années 2000, elle fait l'objet de nombreuses études en vue de sa possible reconversion, ce qui a entraîné un fort débat entre la ville de Paris et la SNCF, qui a abouti à deux accords qu'on appelle protocole cadre. Donc il y a un premier accord qui a été signé en 2006 et qui a duré 10 ans. Et dedans, ce qui importe, c'est en fait de conserver le patrimoine ferroviaire, végétal et la continuité de la petite ceinture, en ayant un principe de réversibilité, donc c'est réversibilité de tout aménagement qui sera fait sur la petite ceinture. Et donc lors de cette grande période d'accord, il y a eu plusieurs aménagements qui ont été faits, mais ils ont été très éparpillés sur la petite ceinture. Et c'est des aménagements qui vont à des choses assez pérennisées, comme des sentiers nature, à des promenades vertes, ou des choses plus ponctuelles de jardins partagés. Et certains plus grands projets qui sont une ferme urbaine et une recyclerie dans le Nord. Et donc, suite à la signature d'un nouveau protocole en 2015, la mairie de Paris, elle a fait 2 ans de concertation citoyenne, donc qui ont été plus ou moins critiquées, mais dont il en ressort quelque chose d'assez important, c'est que la petite ceinture, elle est souvent qualifiée de poumon vert, respiration silencieuse, et que la plupart des personnes, elles ne veulent pas d'un retour à la vocation ferroviaire, alors que ça a été pendant très longtemps source de conflit avec la SNCF, qui a voulu remettre plusieurs types de transports dessus. Et donc, du coup, ma recherche, elle s'inscrit dans cette période du deuxième protocole, où en fait, la question du financier a été beaucoup allégée pour que la mairie de Paris puisse ouvrir le plus grand nombre de linéaires de la petite ceinture. Et donc, lors de ce deuxième protocole cadre, il a été élaboré ce qu'ils appellent un plan programme. Et donc là, vous avez des extraits de ce plan programme qui a été fait par l'agence ABCD Ingénierie Culturelle. Et donc, d'une part, ce plan programme, il donne des pistes d'usage possibles sur tout le long de la petite ceinture, dont les usages prédominants sont la promenade et donc la découverte du patrimoine. Et puis après, vous avez, c'est la deuxième carte que vous voyez, ça régit un processus, on va dire, un processus d'aménagement qui est ce qu'ils ont appelé un grand chantier participatif. Et donc le but, c'est d'ouvrir ponctuellement la petite ceinture grâce à des collectifs pluridisciplinaires. Et des années 2016 à 2018, en fait aujourd'hui, on sait que ça va continuer jusqu'à 2020. Et donc là, ce que vous voyez sur la carte, en fait, c'est le phasage et chaque point correspond à ce qu'ils appellent des stations. Et donc les stations, c'est d'ouvrir des petits périmètres au public et d'y installer en fait des ateliers de co-conception et de co-construction pour réfléchir et faire des aménagements en fait avec les habitants. Et donc il y a eu beaucoup de remaniements et différents collectifs, etc. Mais aujourd'hui, on va dire, on est dans une phase assez stable où on retrouve 3 collectifs en charge de l'aménagement de la petite ceinture. Donc, et en fait, chaque collectif a en charge un grand secteur plus une thématique transversale sur laquelle il doit travailler. Et donc vous avez à la fois le collectif Ceinturama qui est au nord-est et qui lui doit s'occuper de toutes les réflexions sur la mobilité douce sur la petite ceinture. Après, vous avez le collectif sud, donc qui est en charge toute la partie sud et qui s'intéresse à la signalétique et l'identité de la petite ceinture. Et enfin, le collectif Traverse, qui est au nord-ouest, et qui doit mener des réflexions sur les usages et les ambiances nocturnes. Et donc, du coup, Ce qui fait que, compte tenu de mon sujet de recherche, je me suis surtout suivie le collectif Traverse. Donc ce contexte un peu spécifique que je viens d'aborder a fait que j'ai dû être dans une sorte d'adaptabilité constante de mon positionnement de recherche, ce que je qualifie aujourd'hui de recherche embarquée, qui a pris place progressivement à travers plusieurs étapes. Donc il y a une première étape que j'ai appelée infiltration mouvementée, où j'ai dû rencontrer tous les multiples acteurs de la petite ceinture, à la fois institutionnels, associatifs, dont les majeurs sont SNCF, Mairie de Paris et des associations d'insertion en charge de l'entretien écologique de la petite ceinture depuis plus de 10 ans. Donc j'ai eu un accueil assez variable, hein, du refus de me donner des autorisations d'enquêter sur la petite ceinture par la SNCF, à des intégrations presque immédiates dans des associations. Et puis la mairie, c'est un peu plus ambigu, ils me donnent des petits coups de pouce de temps en temps. Et donc une deuxième étape forte qui a été ce que j'appelle l'immersion progressive. Donc c'est ce qui m'a conduit à devenir membre d'un des collectifs pluridisciplinaires, donc le collectif Traverse, et aussi administratrice bénévole d'une des associations d'insertion en charge de la gestion écologique du linéaire sud et ouest de la petite ceinture. Donc en fait cette étape d'immersion, elle m'a vraiment permis de comprendre finalement le processus d'aménagement, à la fois dans sa globalité, mais aussi de voir plus précisément les intérêts à la fois privés et communs de chaque acteur. Donc ces deux étapes, en fait, elles m'ont conduit à ce que j'appelle à avoir des révélations de choses qui finalement sont souvent invisibles, et parfois aussi des forts conflits entre les différents acteurs, mais qui ont un impact fort finalement sur le processus d'aménagement, qui ont été souvent liés à l'accessibilité du territoire, à des détournements qu'on doit trouver, ou à la gestion de nombreux imprévus finalement. Et donc ce positionnement spécifique de ma recherche m'a demandé à la fois d'être très malléable et d'être aussi impliquée pour capter finalement ces réalités quotidiennes et vécues lors de tout ce processus d'aménagement. Ce qui fait écho aux travaux du sociologue Pascal Nicolas Lostra, et qu'il appelle particulièrement une recherche en situation d'expérimentation, donc un rapport immédiat aux expérimentations sociales et urbaines, mettant finalement le chercheur au cœur d'un dispositif coopératif pour agir et penser. Donc maintenant qu'on a un peu pu voir mon positionnement de recherche, je vais vous présenter mes terrains d'études, enfin d'enquête plus spécifiquement. Donc ces terrains, je les ai appelés à la fois scène ouverte et scène fermée. Donc vous avez les scènes ouvertes, ce que j'appelle les scènes ouvertes, en fait, c'est des parties linéaires de la petite ceinture qui sont ouvertes de manière permanente, qui sont issues du premier protocole, que sont le sentier nature dans le 16e arrondissement et la promenade du 15e arrondissement. Et c'est aussi des parties du linéaire qui sont ouvertes ponctuellement. Donc ça, c'est les stations dont je parlais et qui sont ouvertes par les collectifs. Et donc moi, j'ai particulièrement suivi la station qui était dans le 14e arrondissement, dans le 17e arrondissement et 18e arrondissement. Et tout ça, évidemment, découle en fait de mes rencontres et implications. Et après, vous avez ce que j'ai appelé scène fermée. Donc les scènes fermées, c'est quand c'est la petite ceinture qui est complètement fermée au public, mais qui génère quand même beaucoup d'appropriation spontanée. J'ai pris les secteurs qui étaient en lien finalement avec les scènes ouvertes. Vous avez à la fois une tranchée où il y a les anciens abattoirs de Vaugirard dans le 15e arrondissement au sud, et à la fois des tunnels et tranchées au nord dans le 18e et 17e arrondissement. Donc en fait, cette spécificité à la fois du contexte de la petite ceinture qui est assez singulière et aussi du processus d'aménagement qui est assez particulier m'a amené à des méthodes d'enquête qui sont révélées au fur et à mesure. Donc deux méthodes, les plus importantes, c'est à la fois les visites et les ateliers. Donc les visites, c'est un choix qui découle en fait d'une évidence, parce que sur la petite ceinture, depuis longtemps, se fait à la fois des visites spontanées et à la fois des visites très organisées lors de grands événements comme la fête de la nature ou la nuit blanche, etc. Et donc j'ai enquêté sur 12 visites collectives et 8 que j'appellerais individuelle parce que c'est moi-même qui ai été visitée. Et après, il y a donc les ateliers. Donc les ateliers, c'est ce qui est généré du coup par les collectifs pluridisciplinaires qui sont à la fois donc, des ateliers de co-conception, dont j'ai pu aller enquêter sur 4 de ces ateliers. Donc ceux de co-conception, il y a à la fois des ateliers des envies, en fait ça récolte les envies des habitants. Après, des ateliers de programmation, donc on essaye de thématiser à partir de ces envies. Et puis enfin, des ateliers de table de travail, où là vraiment on réfléchit à l'aménagement possible, à un aménagement possible pour le co-construire. Et après, j'ai du coup participé à 7 ateliers de co-construction et eux, ils se divisent en 2 catégories. Une première qui est appelée les ateliers d'expérimentation. Donc en fait, on expérimente des activités, donc ça peut être du vélo-rail, du tir à l'arc, etc. Et on voit en quoi c'est pertinent sur le site de la petite ceinture ou pas. Et puis après, il y a les ateliers de construction vraiment pure où avec les habitants, on construit donc, certaines idées et ça peut être à la fois des choses... on va dire plus importante comme refaire une partie du sol ou plus ponctuelle comme des assises ou autre. Et donc, alors je vais juste dire quelques mots sur les récoltes des ateliers, on va dire participatifs. Donc, au début, il y a eu cette idée qui est ressortie des habitants qui était ne rien faire, il faut rien faire sur la petite ceinture. Et au fur et à mesure, on a essayé de décomposer tout ça avec eux et c'est devenu en fait préserver l'ambiance existante. Et après, au fur et à mesure, on a décortiqué et c'est finalement des qualités surtout sonores et thermiques qui sont ressorties, qui étaient importantes pour eux, c'est-à-dire la qualité surtout du calme et d'une certaine fraîcheur parce que la température est vraiment différente sur la petite ceinture à cause de ces configurations. Et ce qui a donné lieu actuellement à 4 thématiques de programmation qui font des tables de travail actuellement jusqu'à 2020. Et dedans, vous avez donc la thématique de rouler, qui est de réutiliser le rail de la petite ceinture. La thématique de créer, qui est liée finalement à des usages qui sont déjà présents sur la petite ceinture, des usages artistiques, surtout de graphes, de faire performance aussi de danse, etc. Et puis après, vous avez fertiliser, en lien avec la biodiversité, et respirer, qui est lié à des activités que les gens aimeraient plutôt de détente. Et donc après, le deuxième point, effectivement, c'est ces visites. Et donc ces visites, elles ont été de plusieurs ordres. Donc vous avez des visites événementielles, donc assez occasionnelles, et comme je disais tout à l'heure, hein, qui sont liées à des grands événements. Donc là, il y a un large public, et ça permet de découvrir, connaître et valoriser la petite ceinture. Donc c'est des visites assez classiques, hein, avec des experts en biodiversité ou souvent historiens. Et donc là, l'attention des participants, elle est assez dirigée. Après, vous avez ce que j'ai appelé les visites d'expertise et dispositifs. Donc en fait, ça, c'est des visites qui se sont faites en amont des installations et du processus participatif et qui se font que avec des experts, donc c'est les membres du collectif ou membres des personnes qui ont fait le plan programme. Et l'idée pour eux, c'est de vraiment comprendre in situ et de confirmer certaines intuitions pour après mener des actions avec les habitants. Et donc finalement l'attention ici elle est très soutenue et focalisée sur des éléments assez concrets comme l'accessibilité ou autres points. Et ce que j'appelle en fait dispositif, hein, ça c'est des visites un peu plus particulières où là on est... Ah. Il n'y a pas de souci. Ok. Juste pour que justement tu aies le temps de... Oui, oui. Pardon. Et donc là on est... plus individuel et l'idée c'est de vraiment enquêter et de faire des mesures physiques plus précises, surtout sur les qualités d'ambiance, sur le sonore, le thermique et la luminosité. Et enfin il y a aussi des visites participatives qui là ont été dans le cadre des ateliers participatifs et qui ont pour but de faire comprendre et de confirmer les analyses du collectif. Et enfin, des visites pédagogiques que j'ai fait lors de mon enseignement à l'école spéciale d'architecture avec des étudiants pour qu'ils puissent finalement observer, faire des récits de leurs perceptions et que cela, ça a permis de les mener à des projets d'architecture. Ce qu'il en résulte de tout ça, c'est à la fois des données de photos, de reportages photographiques, à la fois ce que j'appelle des récits auto-ethnographiques et des citations de paroles des habitants qui sont liées à des enregistrements sonores que je prends en continu à la fois pour les visites et les ateliers. Et donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'une composition hybride qui permettrait de rendre compte de ces trois richesses finalement. Et donc de tout ça, il commence à en découler des pistes qui reviennent. Et donc là, c'est juste quelques idées de pistes parce que je suis en pleine réflexion. Mais en gros, il en ressort beaucoup de questions sur l'accessibilité, sur les traces matérielles, sur la qualité sensorielle, les usages à la fois spontanés, organisés, imaginés, et des choses très inattendues avec beaucoup d'anecdotes aussi. Mais je suis encore en cours de réflexion. Et enfin... Du coup, j'ai réussi quand même à formaliser certaines données en cartographie, et ça s'est fait dans un contexte bien particulier qui est quand la mairie de Paris a demandé au collectif de faire ce qu'ils appellent un diagnostic sensible de la petite ceinture du 16e, 17e et 18e arrondissement. Et ce diagnostic, il y a à la fois un texte sociologique qui a été fait par Julie Scapino. À la fois des photos finalement de traces, d'ambiance, etc. Et ça draine toutes les photos de chaque personne du collectif. Et des cartographies sensorielles et d'usage. Et moi particulièrement, j'ai développé certaines cartographies d'ambiance, donc les cartographies sonores et thermiques particulièrement. Donc on pourra en reparler après, là je vais passer assez vite. Et tout ça a permis au collectif d'aboutir à ce qu'ils appellent des cartographies de sensibilité de la petite ceinture. Et donc des degrés d'intimité et finalement d'exposition de la petite ceinture qui permet aujourd'hui dans les ateliers participatifs de finalement que les gens arrivent à positionner les activités qu'ils aimeraient en fonction des qualités de la petite ceinture. Et donc je vais finir avec, du coup aujourd'hui mon vrai questionnement c'est comment c'est finalement que cet atlas sensible dont j'ai fait l'hypothèse dès le début, ce serait une combinaison entre le diagnostic sensible auquel j'ai participé et toutes mes enquêtes personnelles de visite et d'atelier. Et je suis en train d'essayer de réfléchir, et donc là il peut y avoir de m'aider à des pistes de comment finalement formaliser ou donner des pistes de formalisation d'un tel atlas. Merci beaucoup. C'est difficile, c'est vrai. Alors moi j'aurais plusieurs questions, mais moi j'aimerais bien déjà comprendre, peut-être que j'ai dû louper quelque chose, mais comment vous problématisez toute cette histoire de toute cette expérience que vous avez eue dans les ateliers, ces récits auto-ethnographiques. Quelle est la question que vous posez finalement à tous ce diagnostic que vous venez de faire? Parce que je crois que le fait d'avoir peut-être du mal avec cette cartographie sensible, c'est parce que peut-être qu'il y a trop de cette histoire du diagnostic que prend trop de force dans votre démarche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne sais pas si ça serait important aussi de problématiser le diagnostic avant de s'attaquer à la question de la construction de la classe. Je ne sais pas s'il est assez problématisé. Voilà. J'ai du mal à saisir la question, mais... C'est-à-dire, parce que là, il y a eu plusieurs choses. Il y a les ateliers, les 14 oui. ateliers, plus les 7 ateliers de co-conception, de co-construction. De, oui. Voilà. Ensuite, il y a... Les diagnostics. Il y a tous les diagnostics, tous les projets qui ont été faits sur ce... On dirait que la pauvre petite ceinture a été attaquée par tous les... partout. C'est ça. Et que maintenant, elle a été désensibilisée, quoi. Ouais. Complètement désensibilisée. Donc je ne sais pas s'il faut déjà problématiser ce surdiagnostic de la petite ceinture pour ensuite s'attaquer à l'atlas sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. J'ai du mal, mais... C'est-à-dire, vous avez beaucoup de choses. Oui, j'ai compris. Et on... En fait, je ne sais pas si vous allez finir. Plus la problématique voilà. Par rapport à la place. Je ne sais pas si vous allez finir par faire une sorte de atlas sensible des interventions sur la petite ceinture au lieu d'un atlas sensible de la petite ceinture. Ah oui, oui, pardon. Mais en fait, c'est que. Oui, non, je suis d'accord. C'est juste que le titre, il est. Enfin, c'est encore assez vague. Et même moi, je me pose la question même de s'il faut l'appeler atlas sensible, etc. Parce que c'est le but de votre démarche. Oui, c'était une. Oui, c'est le but de ma démarche. Enfin, c'était une hypothèse au début, mais en fait, le vrai but de fond, c'est la question que j'ai posée au début. C'est finalement, ça part vraiment de comment l'ambiance peut s'inscrire dans un processus d'aménagement participatif. Et donc, en fait, comment cette question, l'ambiance, elle peut être utilisée et mobilisée par les différents acteurs de l'aménagement. Donc la question de l'atlas sensible en tant que projet. Non, c'est. Enfin, l'atlas, c'est une sorte de réponse. Finalement, il y a une réponse à cette question. Il montre comment on peut répondre à cette question. Je sais pas si je suis claire. Oui, mais là, je. Oui. Mais là, je sens qu'il y a toujours des. En fait, je sens qu'il y a toujours des. Je sais pas, des contradictions, peut-être c'est moi. C'est-à-dire, je comprends toujours pas le statut de ce projet d'un atlas sensible dans votre démarche. Le statut, voire même scientifique, de ce projet d'atlas sensible dans votre démarche. C'est de voir comment en fait, quand on fait un état finalement des lieux sensibles peut permettre de projeter des aménagements. Parce que moi, je sens que, bon, en tout cas, je sens que peut-être que c'est une question de problématiser ce diagnostic. D'accord. De se poser, de se dire, bon. Oui, voilà. Peut-être que je n'ai pas encore assez digéré voilà. Aussi, parce que c'est très intensif. Ça fait un an et demi que je suis immergée là-dedans. Oui, et du coup, oui. C'est vraiment la période un peu de digestion. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi. Oui. Je crois que c'est peut-être ça. Sinon, la démarche, oui, effectivement, elle est intéressante. Et par rapport à votre implication et votre choix, le choix de votre sujet, c'est-à-dire, vous êtes impliqué depuis longtemps dans toutes ces démarches, dans le suivi de tous ces projets, de tous ces. En fait, avant la thèse. C'est intéressant, parce que moi, je me posais la question par rapport à la temporalité. De faire une thèse en architecture sur ce genre de. Plutôt en urbanisme, mais oui, pardon. Voilà, plutôt en urbanisme, peu importe. Mais de se dire, bon, l'évolution de cette quantité de projets ne se fait pas en un an, en deux ans. Non. Donc, du coup, le fait de suivre peut-être une démarche ponctuelle il y a un an ou il y a six mois, peut-être qu'elle a une influence très forte dans les résultats que vous allez obtenir par la suite. Vous voyez ? Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, c'est-à-dire que la temporalité de la recherche n'est pas la même temporalité des projets. Voilà. Non, oui, oui, complètement, mais c'est des questionnements en fait, que je me pose, parce qu'effectivement, mais c'est très compliqué d'être engagé dans un tel processus et d'être dans quelque chose qui est finalement en train de se faire, qui est perpétuel et dont on ne sait pas aussi les aboutissants, etc. Donc, et en même temps, je me dis, c'est justement un point sur lequel il faut travailler et savoir comment on s'inscrit dans telle temporalité. Mais aussi, en fait, avant d'être en thèse, pendant deux ans, j'étais aussi sur la petite ceinture. Enfin, j'avais travaillé sur la petite ceinture, mais de manière complètement en dehors de tous les acteurs, finalement. J'étais déconnectée. C'était vraiment genre purement de chercher quelles étaient les ambiances comme ça, ressenties. Et c'est après que je me suis mise dans cette temporalité et que j'ai été finalement, c'est ce que je dis, un peu embarquée malgré moi, quoi, parce que même si je voulais faire des simples observations, tout de suite tout le monde m'a embarquée dans la démarche. Oui, mais il y a peut-être d'autres. Je ne sais pas, la photographie, peut-être qu'elle pourrait vous aider aussi en tant qu'outil pour ces instants. Mais je ne sais pas, je vais poser des questions par moi. Moi, j'avais peut-être justement une question par rapport à donc, ta distance critique. Comment tu arrives à la gérer, justement, en étant membre de cette association Traverse ? Est-ce que c'est une difficulté ? Tu dis que tu as été toi-même embarquée ou est-ce que c'est finalement un choix que tu trouves qui vient valoriser ton travail de thèse ? Est-ce que c'est finalement... Ouais, je pense que ça valorise d'une part mon travail, que j'aurais pas pu avoir accès à beaucoup d'informations, surtout que les informations liées à la distinction sont très cachées et très complexes. Donc, du coup, j'ai eu une certaine fluidité que j'ai pas pu avoir avant. Et donc, en ça, c'est très riche. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis pas salariée en fait de ces deux structures. Et c'était le but. C'est vrai que je suis indépendante quelque part. Hein, pour le collectif, je suis freelance, donc je suis amie, voilà, j'ai des missions. Donc j'essaie de garder une distance par rapport à ça. Et l'autre, je suis bénévole. Et donc du coup, finalement, ma critique, c'est vrai que forcément, je suis un peu impliquée et tout, mais il y a quand même, j'arrive à prendre du recul de cette façon-là, le fait que finalement, je ne suis pas totalement salariée et contrainte de ces structures. Donc ça, c'est une liberté que j'ai voulu avoir quand tout s'est impliqué et que j'ai voulu garder. Oui, Théa. Théa. Oui, est-ce que je peux voir les cartes sont ici? Tu veux dire celle-là? Oui, oui, enfin, n'importe. En fait, est-ce que tu peux me dire comment tu as décidé ça? Oui, alors les deux cartes, donc sonore et thermique, j'ai été sur plusieurs jours à différentes heures faire prendre des mesures. Et matin, midi, après-midi et soir, c'était surtout l'été par contre. Et y a à la fois j'ai fait des prises de son en point fixe et aussi les mesures décibels, et à la fois en continu, donc c'est-à-dire que je me suis promenée sur tout linéaire. Voilà, et ça dans trois arrondissements de Paris. Et pareil pour le thermique, ça a été souvent aussi des photos qui ont aidé, donc les photos d'ombre, etc., de soleil, plus des mesures de l'humidité et de la température, en fait, à chaque fois à des points donnés. Et donc tout ça, ça a donné lieu à des multitudes. Finalement, c'était des cartes avec des calques comme ça, qui était faite à la main, plus tous ces enregistrements et données. Et après, avec, au sein du collectif, j'ai commencé, là vous n'avez pas, mais au début c'était juste des cercles comme ça, des premières masses, et puis au fur et à mesure ça s'est finalement affiné en réécoutant les enregistrements sonores, etc. Et aussi avec les conseils du collectif, donc à chaque fois je revenais avec les cartes, et eux ils disaient, sans voir les légendes, ce qu'ils comprenaient, et ils pointaient certains endroits et on voyait si c'était vraiment des informations du coup justes. En fait, j'ai une question par rapport à l'approche participative dont tu parles. En fait, l'atlas sensible, c'est, il s'agit de qualifier l'existant, n'est-ce pas? Oui, et de rendre compte aussi du processus en cours. Alors, pour tous ces acteurs-là, il s'agit, quand vous travaillez ensemble, c'est pour projeter ces endroits-là ou bien c'est toujours pour qualifier l'existant? Alors, pour ce qui est du collectif, c'est surtout de faire un état des lieux. Après, c'est aussi pour projeter, mais ce n'est pas vraiment rendu compte. En fait, c'est pour ça que moi, je parle plus d'Atlas et qu'il manque. Je trouve aujourd'hui la dimension finalement prospective. Et en fait, c'est aussi un document qui sert de, je ne vais pas parler, mais finalement de médiateur entre les différents acteurs. C'est-à-dire que, en fait, on le présente à la mairie de Paris qui... du coup se rend compte de l'état des lieux et après il est donc utile pour nous aussi pour toute la connaissance du terrain et ensuite on en prend des parties qu'on montre et qu'on divulgue aux habitants pour pouvoir faire projet après avec cette matière là qui est effectivement plutôt un état des lieux. Oui. un tel terrain, notamment avec un niveau d'implication comme le tien, elle se prépare. Et le drame peut être aussi à prendre, c'est de ce recul-là et de poser aussi la question de maintenant comment je regarde ce corpus-là, assez multiforme pour l'analyser. Mmh. Alors, Anthony Becque et Laure Payet qui ont fait l'intervention il n'y a pas très longtemps, qui expliquait justement tout le temps de la sortie d'un terrain aussi impliquant, enfin, qui, enfin c'est pas le même type de terrain, mais en fait, aussi impliquant que le tien. Et je pense du coup, que c'est une question qu'il faut aller se poser. Donc, si tu peux nous dire un peu sur la méthode. Et puis après, moi, il y a deux choses que je ne sais pas si tu penses à un moment donné les attaquer de manière directe, c'est vraiment justement recherche et projet. Et comment la place du chercheur, quand c'est le plus, il est architecte praticien là-dedans, comment il se joue. Est-ce que tu penses à un moment donné de questionner de manière frontale? Est-ce que tu penses que c'est l'enjeu frontal qui se pose, en tout cas, dans ce travail que j'ai présenté aujourd'hui? Et puis, pour rejoindre la question de moi, la présentation, parce qu'il y a quand même, on voit qu'il y a vraiment un souci de mise en visibilité, la représentation dans le sens schémagraphique, montage, mosaïque, photo, etc. On voit que tu as une vraie sensibilité par rapport à ça, mais est-ce que du coup tu auto-analyses ta manière de faire? Est-ce que tu réfléchis là-dessus? Et désolé, parce que du coup ça ouvre encore des questions que peut-être ne sont pas du tout. Non, mais c'est peut-être pas du tout ce que je disais. On peut le prendre de mille manières différentes ton sujet, enfin ton travail que vous avez présenté aujourd'hui. Donc peut-être que ce n'est pas du tout des préoccupations, et du coup, tu dis, bah non, Pour les outils, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été claire, je ne sais pas si c'est ça que tu entendais, mais à la fois que je sois impliquée ou non, animatrice ou simple observatrice, en fait, c'est toujours les mêmes récoltes. C'est à la fois le récit et les photos et les paroles habitantes. Et le récit, il varie, c'est-à-dire qu'effectivement, il est soit finalement auto-ethnographique, soit juste ethnographique. Et c'est juste ça peut-être la différence. Et donc c'est vraiment ces trois outils-là qui me permettent... Enfin, je ne sais pas si c'était pas clair c'est du coup. C'est moi qui n'a pas compris le passage. Et qui, oui, effectivement, c'est peut-être parce que c'est arrivé au fur et à mesure. Hein. J'ai testé beaucoup de choses avant d'arriver, de voir quelles étaient... Enfin, c'est finalement ce triptyque qui s'est révélé le plus riche pour rendre compte finalement de toute cette diversité. Et effectivement, je me pose beaucoup de questions forcément sur mon positionnement et sur le fait, d'être architecte, enfin dans l'opération et en même temps chercheur. Et donc ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, qui je pense seront même après thèse. En fait, c'est des choses dont même avant la thèse, en fait, j'ai toujours dit que je voudrais pas faire une recherche en dehors. Presque de ces côtés opérationnels. J'ai toujours pensé que, enfin, c'est quelque chose qui est un peu en moi. Je me suis toujours beaucoup posé de questions et donc je pense que ça va. Enfin, je ne sais pas si j'aurai la réponse. Oui, je ne le dis pas. Pour l'instant, de manière frontale, dans ma tête, je pense que c'est plus subtil. Enfin, du coup, ça reste qu'on se pose des questions par rapport à tout ce que je fais. Mais je ne sais pas effectivement s'il faudrait que je le dise de manière plus frontale. Mais je pense que je n'aurai pas la réponse vraiment dans ma thèse, mais que ça va continuer à... Je pense que toutes les thèses faites en chiffres se posent le même genre de questions. Oui, oui, on en avait déjà parlé, mais c'est un tout petit peu différent, moi, parce que je n'ai pas ce contrat. Enfin, je ne suis pas régie par ce contrat et cette contrainte, du coup, du fait que... Du coup, je peux avoir un regard peut-être un peu plus critique de temps en temps, plus distancé. En fait, j'ai des temporalités différentes où... Parfois, je l'avoue, il y a des temps où j'ai aucune critique, quoi. J'y arrive pas parce que je suis trop impliquée et que je crois à ce que fait le collectif, etc. Et il y a des temps où là, j'ai laissé un peu 3 mois sans aller voir le collectif, où là, j'arrive, mais au bout de 3 mois, à me dire « Ah, ça y est, je peux avoir un regard critique ». Et bon, ça, c'est des grosses difficultés. Parce que moi, j'ai fait ce que c'était dans la démarche de l'organisme, c'est-à-dire l'organisme. cartes, donc c'est, je ne sais pas même pas si c'est des cartes qu'il faudrait faire, mais c'est vrai qu'est-ce que vos représentations peut être un milieu de point encore à développer dans ce domaine-là, je ne connais encore. Moi, de voir ça, si vous, ça me laisse un peu sur ma faim. Parce que tu as parlé, par exemple, des coupes, de l'importance quand même, s'il y avait à fleurs, en dessous, etc. Enfin, ce rapport spatial à la vie, et donc à son accessibilité ou pas, enfin, tout un ensemble d'éléments qui sont aussi constitutifs de son ambiance locale. Parce qu'on ramène l'ambiance à ces facteurs thermiques sur le plan du bois. Donc il y a l'espace qui se situe, et l'espace au sens physique constitué. Aussi intéressant oui. Que la carte de voir beaucoup plus. Mais et aussi en termes justement d'inscription dans un tissu qui est socialement différent. Les audiences sont un peu différentes. Et là, ça parlerait plus peut-être d'un. C'est une figure très unitaire en fait qui est fragmentée quelque part. Oui, complètement. Et je trouve que ce serait intéressant dans une recherche comme ça de montrer des outils qui permettent de révéler le différent. Oui. Donc, tellement les choses sont différentes, on ne sait pas bien pourquoi. Et ce qui fait peut donner aussi des orientations de projets de peut-être plus spatial, mais qui remontrait la manière de transformer. Parce qu'au début, tu dis quand même une chose importante, je crois que tu as dit, les habitants ou les gens qui tiennent à garder cette espèce d'existence. Quelque chose qui, en fait, comment ça se conserve, entre guillemets, sans faire du patrimonialisme ou de la préservation. Est-ce que, comment on conserve des caractères d'ambiance en changeant ça, je trouve que c'est des enjeux quand même. Oui. C'est vraiment intéressant, aussi bien du côté de la recherche que du projet, ça nous oblige de la pratique. Parce que, traverse les limites Non, je suis complètement. Complètement. Voilà. Non, mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord. En fait, avant la thèse, j'avais fait des coupes de la petite ceinture parce qu'en fait, c'est vrai que l'ambiance est très liée à cette question de topographie et que quand elle est à 10 mètres en dessous, en fait, on n'entend plus aucun son de la ville, on n'entend plus que les oiseaux et c'est cette qualité-là que les gens demandent de garder, par exemple, et donc il y a une configuration spécifique. Et qui est lié au fait qu'on ferait des activités, par exemple, juste de promenade, et que là, on n'aménagerait pas des choses commerciales ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a des coupes pour moi à développer, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps dans cet enchaînement, et que finalement, ces cartographies, elles résultent de vraiment une demande qui a été faite de la mairie de Paris, dans un contexte du collectif et tout, et que ce n'est pas des choses que. Enfin, que, en fait, c'est ce que je dis, c'est que sûrement je devrais commencer à avoir un regard un peu critique sur le diagnostic sensible et les représentations qui m'ont amené à faire, en fait, complètement. Enfin, je pense qu'il y a tout ce travail là à faire. Ouais, j'ai vu des trucs qui font marre parce que, bien sûr, il y a beaucoup de vie. Déjà, je me sentais bien à venir vous faire présenter pour vous dévouer à ce que c'est des mots, ce que vous préférez, c'est rassurant. La question à la fin, et par contre, je pose la question de la matérialisation parce que tu ne cites pas le concept. Mais c'est vrai. Et à la fin, on a l'impression que tu pars d'un linéaire et que tu le déconstruis en tant que thèse. La forme linéaire initiale est déconstruite par ton analyse, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est vrai qu'on aurait bien avoir un peu plus de matière sur. Cette déconstruction permet de reconstruire quoi ? On peut imaginer que ça reconstruit des entités différentes transverses, c'est-à-dire tu devrais pouvoir arriver à la fin à une forme et une représentation non circulaire de ta forme initiale circulaire, puisque là où quelque chose aura bien été travaillé, ou pourrait être travaillé, la forme, ou je ne sais pas, tout le système de contraste, ça se connecte avec autre chose, du quartier, du territorial, des formes de territorialité. Mobilité dans un autre sens, c'est que et alors dans un autre sens, et là où il n'y a pas de construction transverse de la ligne, elle perd du sens, la ligne existe toujours, mais ça perd du sens. Mm. Je trouve que le terme de patrimonialisation et le concept même pourrait être très utile. Alors, évidemment, c'est je me prends rajouter en synthèse, mais bon, en fait, ça fait une solution pour. que je finisse jamais. Il y a quelques biais dans ta formulation et c'est intéressant de pouvoir les nommer. Le mot atlas, c'est pour moi un super piège. Oui, oui. C'est un outil d'avant, c'est un outil de l'époque. Du coup, oui, c'est oui. La conquête du sol, c'est la conquête de l'espace. On a besoin d'atlas pour manifester le résultat de la conquête, politiquement parlant. Hein. Oui. Et je pense qu'on est là pour que je puisse rester, comme le mot diagnostic d'ailleurs, qui est un magnifique piège aussi. Oui, oui. Les objets sont dedans. On va faire quelque chose tout le temps, mais oui, ça fait du bien de la science analytique. Et une autre. C'est pas un piège, mais c'est une des plus grandes questions. Ta démarche décrit très précisément ce qu'est ta méthode, et c'est très chouette, parce que je pense qu'il faut y aller plus avant, mais moi j'ai trouvé beaucoup de choses sur la tête de l'expérience participante. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que tu n'empruntes pas à cette école de pensée? Si, en fait, au début, je me disais que tous les ateliers où j'ai été, je faisais de l'observation participante, mais en fait, c'est... plus subtil que là, ça, enfin parfois oui j'en ai fait, mais je sais pas comment dire, mais pas tout le temps, enfin je veux dire, je pense pas que c'est j'ai pas utilisé l'observation participante dans toutes mes enquêtes, quoi. Mais c'est vrai que là je l'ai pas souligné, mais ça fait partie de ma thèse en fait, cette question d'observation participante. Ça s'appelle recherche en situation d'expérimentation. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça en fait. Oui. Et je suis d'accord, complètement d'accord pour ces questions de piège. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis que c'est peut-être pas le mot atlas. Et pour arriver en fin de thèse pour se dire ça. Et il y a eu un moment donné où j'hésitais à mettre chronique de la petite ceinture et pas atlas. Voilà. Donc c'est des pistes qui sont encore en suspens. Est-ce que c'est utilisé par les acteurs, atlas ? Pour l'instant, non, ils l'ont beaucoup entendu dire par moi, donc du coup ça a un peu influencé, et ce qui fait que d'ailleurs on avait, voilà, durant le deuxième appel d'offres qu'a fait la mairie de Paris, elle avait mis cartographie sensible à cause de moi, parce que je parlais de ça quand j'avais présenté ma recherche avant thèse, mais effectivement pour l'instant ils l'utilisent pas en tant que tel. Ma sortie diagnostic sensible, mais ils n'utilisent pas ça. Ils utilisent le terme de analyse macro sensible, un truc comme ça, de mémoire dans l'appel d'offres. Mais voilà, c'est des termes qui sont forcément à réfléchir. Et